tout le monde savait à la FTQ que Jocelyn Dupuis était parti ou voulait ou était hang around ou était parti d'une gang. Sa famille, c'était la FTQ, mais il en avait un autre. Mettait en bédaine sur une croix à l'Assemblée nationale, peu de femmes lui diraient de décalisser. Voici votre animateur, habillé Jean-Philippe Vaudier! Hey! Hey! Bonsoir tout le monde! Mon Dieu! On est serré à soir, hein? Hey. Hey boy! Hey, bonsoir tout le monde. Il est à peine 19h. La soirée est encore jeune, ce qui va nous donner amplement le temps de nous remettre des sages paroles de nos anciens premiers ministres péquistes au sujet de la charte. Hey, quand même, hein, Fred Savard, bonsoir. Bonsoir! Non, mais grosse semaine. Hier, Jacques Parizeau, hein? Et aujourd'hui, Lucien Bouchard. Non, mais là, il me semble que depuis le début de la charte, on avait dit qu'on faisait pas parler les morts, là. Mais Lucien est pas mort. Alors, le Lucien que j'aimais, oui. Ah! Oh. C'est beau. Mais il y a quand même, il y a eu quand même Bernard Landry aujourd'hui qui a donné son opinion. Ah ouais. Ouais. Ah. Mais je pense que c'est un peu ça que Pauline voulait dire par citoyen ordinaire. Ouais, Bernard Landry. Ouais. Ouais. En gros, il pense quoi, là? En fait, il pense que la charte va trop loin et ils veulent enlever le crucifix à l'Assemblée nationale. Alors, pourquoi ils l'ont pas enlevé quand il était premier ministre, le crucifix? Ah, j'imagine que le bon Dieu le sait puis le diable sans doute. Enfin, parlant de diable. Bon, faudrait qu'on place ça dans quelque part. Parlant de diable, il y a toujours la poursuite. On attend toujours la poursuite d'André Boisclair. Hein? Ah ouais, moi j'ai sorti mon chéquier, je suis prêt. Hein? Mais c'est pas contre nous autres, Fred, c'est contre Duchesneau et Legault. Ah, ben là, c'est notre tour, là, maintenant, voyons donc. Je le sais, mais écoute, ben André, c'est un beau parleur, hein? Il promet. Mais en attendant, tout ce beau monde-là va payer leur avocat avec nos impôts, vous le savez, ça. Hein? Ouais, hein? Au moins, ça, c'est scandaleux. Au moins, Boisclair est relevé de ses fonctions en attendant, quand même. Ouais, mais relevé avec. Avec solde, hein? Ouais. Puis Boisclair, puis solde dans la même phrase. Il me semble que c'est pas une aubaine, Boisclair. Hein? C'est drôle, on dirait. Ouais. Surtout pas... depuis qu'on sait que le PQ lui a donné sa permanence à vie, finalement. Ouais, ça, je comprends pas. Non. Parce que me semble qu'il avait reculé là-dessus. Ouais. Mais en même temps, il recule tellement qu'on on perd le compte. Ah, moi, j'arrête à 33. Ah non, moi, c'est, je sais plus où est-ce qu'il recule. Sinon, Mario Dumont a passé une belle semaine. Lui, hein? Ouais. Non, en fait, une semaine assez ordinaire, on va être bien honnête. C'est que son nom a été mentionné là, pour du financement illégal de la DQ en 2007. Ah ouais, mais à l'époque, la DQ avait le vent dans les voiles. Hein? Oui, le voile de l'accommodement raisonnable qui cachait les yeux de Mario, qui n'a pas pu voir les prête-noms, en fait. C'est ça, là, ouais. Non, mais ça aurait pris une charte sur le financement des partis pour lever le voile là-dessus. Hein? Je pense qu'on a notre quota de voile. Hein? Ouais, OK. Sinon, grosse semaine en politique municipale également. Écoute, il y a Mélanie Joly qui a annoncé que sa mère allait se présenter pour son parti. Ah oui, Lorraine Pagé, c'est la mère de Mélanie Joly? Non, Lorraine Pagé, c'est l'ancienne syndicaliste. Vous mélangez, mais non, ça me dit rien. Ben oui, de la CSQ, on se souvient non, de la petite. Non, ça me dit rien. Voyons, la petite madame du Front commun, Fred, faites exprès, là. Non, vraiment, non. Là, elle fait des recettes de spaghettis à médium large. Dany Saint-Pierre! Non! Ouais, là, vous voulez vraiment que je me rende là dans ma description, Fred? Non, c'est oui, ça, vous voulez me pousser à faire? Je vous l'entendre dire. Ben, c'est la madame qui a été accusée de voler des gants. Ah! C'est bien, c'est ça. Lorraine Pagé! C'est ça. De toute façon, elle a été acquittée. Non, et franchement, Fred, vous êtes odieux. Non, mais vous êtes odieux. Ce n'est pas notre genre de revenir sur les erreurs passées de personnes publiques. Des histoires, non? Non, ce n'est pas notre genre. Sauf pour Boisclair qui sniffait de la poudre? Oui, sauf pour Boisclair qui sniffait de la poudre. Mais ça, c'est... Écoute, on le dit, on le redira si nécessaire, mais c'est un procédé comique. Oui, c'est un pattern. C'est un pattern. Comme la côte. Ben oui, aussi. Mais ça aurait été n'importe qui qu'on le ferait. Non, c'est vrai. En tout cas. Ouais. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, ça va pas aux États-Unis. Hein? Bon, l'État est paralysé depuis quasiment une semaine. Oui. Impasse budgétaire qui persiste et qui va persister. Mais là, c'est arrivé quand cette affaire-là de shutdown? Là? Lundi, je pense, quelque chose comme ça. Ah! Pourquoi le lien? C'est... Ben, je sais pas, mais il me semble que c'est la même journée que Boisclair est parti de New York. Vous êtes pas en train de me dire que André Boisclair était le lubrifiant économique des Américains, toi? Ben, économique, je le sais pas! Il coûte cher, ça c'est sûr. Mais là, on va arrêter, on va le lâcher, là, Fred. Franchement, là, on va faire amende honorable. On va faire amende honorable. Non, mais qui aime bien, châtie bien. Oui, non, mais ça pas c'est toujours. Ouais, c'est ça. Faut doser aussi, hein, faut doser. Et on va faire amende honorable. On est combien ici ce soir, là? Plus de 2000 dans la salle. Oui. On va aller on va aller signer la pétition que André Wauclair a lui-même démarrée hein, pour se s'auto-soutenir. Ah oui, c'est pour les minimistes, ça, c'est ça? Non, mais en fait, en tout cas, une de celles-là. Mais allez la signer, vous allez trouver ça sur Internet. Là. Allez signer, je pense qu'il mérite ça. Oui, oui, mais quand même. Mais qui aime bien châtie bien, oui. Vous dites. Oui. OK, on va y aller immédiatement, nous, avec nos invités, oui. Parce qu'on reçoit tout d'abord l'ancien, ça c'est compliqué, l'ancien co-chef de Québec solidaire, Amir Kadir, qui va être des nôtres. Yeah. On est très content. Un ami de l'émission, c'est la troisième fois qu'il est nous voir. Oui, oui, tout à fait. En tout cas, grâce à la chaire de Bernard Drinville, il va pouvoir mettre son agenda islamiste au recyclage. Oui, oui, c'est vrai, ça va nous permettre de respirer, enfin. Ouais. Sinon, on reçoit également le romancier Patrick Sénécal. Oui, ouais, c'est une très bonne nouvelle. Pour parler de violence, enfin. C'est le gars qui a écrit Survenant, ça. Le Survenant? Ouais. Non, je pense pas qu'il écrivait des histoires de zombies. Ah, c'est pas des zombies. Non, c'est des cadavres, là. C'est les ploufs là, qui tombent dans le... C'est à peu près ça. Vous aurez le temps d'y demander de toute façon, parce que la soirée est encore jeune. Yeah! Les gens qui nous écoutent à la radio hein, ne le savent pas, mais on est un petit groupe très serré ici. Hein. Oui. Quand le public est proche, il est proche. Ouais. Puis, voulez-vous que je vous dise à quel point il est proche, le public? Je vais demander à la personne qui est directe en face de moi, dans le public, de juste parler. Comment ça va? Ça va bien. Vous voyez? Il n'est pas mic'é, là. Non, non. Ça sonne dans mon micro. Ouais. Alors, on va aller parler immédiatement à Olivier Niquette. Olivier, vous êtes toujours là derrière la foule? Ben oui. OK. Et comme d'habitude, les gens peuvent nous suivre sur twitter.com/lasoirée, facebook.com/ oui. La soirée est encore jeune et sur notre site radio-canada.ca/lasoirée, oui. Où ils pourront lire un extrait de la chronique de Michel Baudry dans le Journal de Montréal. Ah oui. Et c'est tellement bon que je vais vous en lire un petit oui, bout. Oui, oui, oui, c'est drôle. Avouez que les femmes ont de jolis seins, naturels, belles formes rondes et fermes. Si j'avais été agent de la sécurité, je n'aurais pu m'empêcher de retenir une manifestante justement et délicatement en plaçant mes deux mains sur ses seins. Bon, puis on va s'arrêter ouais, là. Ouais, c'est okay? Ça. Hein? Mon oncle Michel, il est drôle. C'est... Alors, on va tout de suite passer au courrier des auditeurs. Maestro! J'ai encore, je suis pas sûr de celle-là. Mais non, allez-y. Je l'aime. Non, je l'aime. Ah, oui? Ouais. Ben, d'abord, on a un message de Pépito qui nous dit « C'est scandaleux que certains candidats à la mairie de Montréal soient exclus des débats. Me semble que ça serait le fun de les entendre quelque part. Vous n'auriez pas une solution. Ben. » Ben, écoute, mon Pépito, quel hasard. Le 18 octobre prochain, nous vous présenterons notre propre débat des exclus ouais. Avec Michel Brûlé, Irois Léger et Patricia Tulane ouais. À ne pas manquer. Ben oui, c'est vrai. On va faire ça directement ici à notre émission. Et ouais, et ouais. Ben, on n'a pas encore de jingle, mais on va non. Se trouver de la petite musique. Ça va être ah oui, non, mais donc le 18 octobre, ne ouais. Manquez pas ça. Voilà. Bon. On a aussi reçu une lettre d'Antoine Breton qui va comme suit. Je suis un fan de votre émission. Vous êtes drette sur la coche, c'est fin. Ah. Mais, car si je vous écris, c'est qu'il y a un mais. Ouais. Vous vous dénigrez mutuellement à chaque épisode. Ah. Dire que Fred Savard est vieux, que son texte est douteux, à quoi bon? Jean-Sébastien, même s'il est parfois pipi caca, nous fait souvent hurler de rire. Cessez donc de soupirer. Bon. Vous me gâchez mon plaisir. Vous êtes mes préférés, mais vous êtes meilleur que ça. Ah oui, c'est bon, ben coudonc, c'est comme ça. Jean-Sébastien, vous en pensez quoi de ça, vous? Ben honnêtement, moi, Jean-Philippe, je suis parfaitement d'accord avec ce courriel-là. Parce ah, que mon Dieu. On fait souvent des blagues. Ben non, on fait des blagues. Ouais. Mais dans la vie, Jean-Philippe, on s'aime, je pense qu'on peut le dire. On a beaucoup de plaisir ouais. À travailler ensemble. C'est vrai. Fred Savard, moi, par exemple, pour vrai, je capote dessus. Je veux dire, non, mais c'est vrai, on fait des pages, je veux dire, c'est quelqu'un de drôle, c'est ouais. Quelqu'un qui a beaucoup de contenu, un regard super intelligent sur le monde qui nous entoure. Pour vrai, c'est quelqu'un qui m'inspire dans le travail. Non, ben mais, non mais c'est vrai, mais non, moi mais aussi. C'est assez réciproque. Jean-Philippe, vous aussi, vous m'impressionnez beaucoup. Bon, merci. Vous êtes polyvalent, ouais. La télé, la radio. Ouais, le même soir, même. Le même soir, vous avez un sens de la répartie, je vous vois travailler, ça m'impressionne. Une grande acuité intellectuelle aussi. Mon Dieu, c'est, merci. Non, on fait un beau trio, je pense. Ouais, ouais. Puis moi? Qui parle? C'est Olivier! Olivier Niquette. Ah, oui, oui, oui. Ben, c'est vague, mais ça me dit quoi, ouais, quand même? Il y a des qualités, là. Ouais, les extraits, on les entend bien. Ouais, ces extraits. Puis ils sont jamais coupés en plein milieu, les extraits. Non, c'est... Ils commencent toujours au début, puis ils finissent à la fin. Ouais. Ah. Ben, chacun ses qualités. Chacun ses qualités. Bon. Merci beaucoup. Exact, exact. Bon, mais c'est pas tout ça. Mais non! Parce que vous savez que pour la 7e semaine consécutive, oui. Je poursuis ma série de grands entretiens intitulée comment, Jean-Philippe? Ben, je sais pas, j'écoute rarement. Viens voir les politiciens municipaux. Je suis où, Jean-Philippe, cette semaine? Je me trouve présentement sur la glace du Centre Bell ben oui. Et j'attends M. Charles Prévost-Linton, le chanteur des hymnes nationaux, avant les matchs de Canadiens au Centre Bell. Pourquoi, allez-vous me demander, Jean-Philippe? Parce qu'il plonge lui aussi dans la politique municipale. Il se porte candidat dans Outremont pour équipe Conservons Outremont. Et juste pour nous, dans quelques minutes, il va nous chanter un hymne national à Viens voir les politiciens municipaux. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. On s'en parle tantôt. Notre premier invité, Fred. Il est l'épouvantail en chef de la droite québécoise. Il a une réputation d'intégrité. Il a un vrai métier à part un député. On se demande bien ce qu'il fait en politique. Accueillons le député de Mercier, M. Amir Kadhi. Monsieur le député. Monsieur Rautier. Hey, là, j'espère que vous n'êtes pas claustrophobe. C'est sûr que c'est pas mal proche. Ouais, non, c'est sûr. Ben oui, mais en même temps, en plus, regardez comment sont habillés. Vous avez vu les souliers de ce monsieur-là? Il y a plein de trous. Ah, monsieur, à Québec, c'est clair, on est habitué. Mais c'est le fun pour une chose. On peut leur demander de tendre leur... leur bière en cas leur de... bière. Ah, merci beaucoup. Ah, mon Dieu, c'est vous êtes déjà rendu à votre deuxième bière, vous? Ah oui, ça va vite. En voulez-vous une bière, M. Kadhi? Non, non, ça va pas tout de suite. De l'eau, peut-être, ou un fond de glace? Non, non, non? J'ai pas le droit de boire de l'eau sans alcool. Ah d'accord, c'est votre bière pour vrai, c'est ça? Dans ma... Oui. C'est dans ma fun, ça. Mon Dieu. Il y a des religions comme ça. Ah oui? C'est-tu dans la charte, cette affaire-là? J'aimerais... Ben, j'ai pas vu encore la charte. On le sait pas. C'est vrai qu'on devrait mettre ça dans la religion. Ben moi, je pense que surtout ça serait... Surtout quand on mange du porc... Ben oui, ça serait niaiseux de s'en priver. Pour que ça soit autorisé, il faut que ça soit accompagné de l'alcool. Mais vous êtes où exactement? Parce que depuis que vous êtes plus co-porte-parole extra-parlementaire... Faites pas exprès, là. Non, mais c'est parce que c'est dur tout à suivre. Tout le monde sait que c'est long, c'est pas nécessaire de le répéter. Ben oui, mais c'est votre faute aussi. Vous étiez quoi, déjà? Bon, attendez que j'y pense. Ben non, mais c'est niaiseux, mais on le sait pas, là. Vous étiez... Dans notre parti, là, ouais. Sérieusement. Ben oui, non, soyez sérieux. On n'a pas de chef. Fait que quand non, on n'a pas de chef, on était un peu mal pris. Ah, faut inventer quelque chose. Ben c'est ça. On était deux porte-parole. Ouais. Puis là, moi, à un moment donné, ça suffit. Là, j'étais porte-parole de l'UFP pendant, quoi, 3 ans. Puis ça fonctionnait ensuite, fort, ça. Ben oui, ouais. Ben c'est pour ça. Ouais, pour c'est ça. Fait que là, on est devenu Québec solidaire. Uh-huh. Ah, ben ça allait mieux. 6 autres années, ouais. À un moment donné, tu sais, il faut lâcher, il faut non, savoir je lâcher. Comprends. Sauf que vous étiez, c'est ça, vous étiez co-porte-parole à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Oui. Parce que vous étiez élu. Exact. Alors que le nouveau, là, qu'on n'entend pas beaucoup parler, là, Galarraga. Fontecilla. Ah! Il va devenir un jour aussi populaire que Galarraga. C'est vrai? Promets. Ben oui. On l'appelle déjà le gros chat de l'Assemblée. Hein. On rit, mais il va se présenter où aux prochaines élections? Parce que, on va se le dire... Oui, Laurier Dorion. Laurier Dorion? Oui, il va débarquer un libéral. Ah, bon Dieu, c'est la mode, c'est ainsi, hein? Non, non. C'est pas Jerry? Malheureusement... Ah ben, mon Dieu, c'est vrai! C'est mon ami Jerry Sklavounas, on l'avait la semaine passée. Jerry ah, est bien sympathique. Ça. Ben oui, il est très un sympathique. Un jeune loup libéral. Ben oui, tout à fait. Non, mais ben, ailleurs, libéral, il est fin. Loup, libéral, ben, oui. Allait ailleurs... Qui, lui? Ben non. Bien sûr, il pourrait aller ailleurs. C'est une excellente idée. Non, mais votre ami, là, Fantessia. Non, parce que, non, mais je dis ça parce que Sklavounas, on l'avait la semaine dernière. Il nous a donné une très bonne entrevue. Ah oui. Il nous a dit les 4 vérités de Maria Mourani. Non, pas de Maria Mourani, de non, Fatima. Ouais, c'est ça. Pépé, oui, mais oui. C'est ça. Fatima Mourani, c'est ça. Grosse semaine en politique. grosse semaine surtout pour les syndicats. Vos amis, les syndicats, on a appris des vertes puis des pas mûres. Hein. Ils se tiennent avec du drôle de monde. Oui. Hein? C'est vos amis, bon, les syndicats. Je vais vous dire quelque chose. Oui. Là, je vais être sérieux. Ah, mon Dieu, que ça va être plate. Ça va être plate. Ouais. Mais il va falloir pareil. Allez-y. Moi, ça m'intéresse. Que allez-y. La gauche n'est pas plus à l'abri de la corruption ben que la droite, malheureusement. Ben, on voit ça. Il y a plusieurs pays en Amérique latine qui sont légion. Quand on reste trop longtemps au pouvoir, c'est ça que ça donne. J'ai toujours critiqué la FTQ de ne pas prendre une position claire. Ouais. Ils ont résisté trop longtemps à demander à la commission Charbonneau. C'est sûr qu'il y a des explications à demander. Mais c'est pas c'est pathétique pour là. Nous. C'est dommage parce que j'aurais souhaité qu'on n'en soit pas là. Mais bon, mais on va faire l'exercice puis on va faire le nettoyage. Parce que vous parlez de vieux pouvoirs, ça s'applique aussi aux syndicats. Là, oui, absolument. La CSN, la FTQ, tous les gros syndicats. Mais comment on fait pour soutenir en fait ce mouvement-là alors que ce sont les institutions qui sont un peu rouillées et pourries qui ben, de l'interne, il n'y a pas un jour... ou une semaine qui passe sans que, moi, quand je rencontre des syndicalistes, je leur dise, ben, le syndicalisme a besoin de renouveau. Des gens comme Michel Arsenault ont besoin qu'une relève vienne, puis en fait, sauve la FTQ de cette perception que la FTQ, puis les gars, la mafia, puis la collusion dans la construction, c'est pareil. De la même manière que le patronat aurait dû, bien longtemps avant, prendre une position claire contre la corruption des firmes d'ingénieurs, des firmes d'avocats, des firmes d'architectes qui financent le Parti libéral, le Parti québécois. Mais une fois que la mafia est là-dedans, je veux dire, ça se défait pas comme ça, là. Je veux dire, comment on fait, vous, qui soutenez les syndicats? Parce que quand même, vous êtes un parti qui est affilié au syndicalisme. Vous venez du syndicalisme. Affilié, pantoute. Mais non, mais je veux dire, vous venez du syndicalisme. Non, pantoute, c'est pas vrai. Pantoute? Non, pantoute. Vous en foutez complètement du syndicalisme? Non, mais on vient pas de là. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent du milieu syndical, mais il y a des gens qui viennent du groupe des milieux écologistes. Non, je suis d'accord, sauf que quand même, il y a plus de gens qui viennent du syndicalisme. Au Québec, en tout cas, la loi ne permet pas que les syndicats créent leur propre parti. Non, je suis d'accord, mais le point étant, il y a beaucoup de gens qui viennent des syndicats. Il y a plus de gens qui viennent des syndicats à Québec. Par exemple, je lance ça, Parti libéral. Je lance ça comme ça. OK? Bon, là, vous êtes dans les présomptions, franchement. Oui, bien, dans les statistiques, Monsieur qu'on Claude Bachand, qu'est-ce que vous faites de M. Claude Bachand? Ah, ministre des Finances, en plus. Bien, en fait, il s'appelait pas Raymond. Ah, je dis Claude Raymond, excusez-moi. C'est un ancien péquiste. C'est quel bien? Philippe Couillard, c'est un médecin, c'est un syndicat, c'est le collège. Ah, c'est vrai. Dans le fond, tout le monde est syndiqué. Ah, hein? Oui. C'est ça l'histoire. Puis vous aussi, Fred, vous êtes syndiqué. Très peu. Non, je blague ça. Vous avez raison, je ne veux pas nier ça. Puis on a un travail à faire et on doit rester vigilant. Puis la gauche doit démontrer plus que d'autres qu'on est capable d'être à la hauteur de notre prétention que Québec solidaire est un parti intègre, un parti transparent. Eh bien là, on s'en va en élection très bientôt. En fait, c'est le feeling qu'on a. Hein. À Québec, ça bouge d'accord. beaucoup. Hein. Vous voulez pas m'avouer, dans le fond, que vous êtes au courant? Ah, mais moi, je suis au courant, mais je peux pas le dire parce que je veux pas perdre mon temps. On a la date puis l'heure des élections. Oui, c'est ça. Écoute, c'est la 9h et on sait même qui va gagner. On a les résultats. C'est l'affaire. Mais si on s'en va immédiatement en élection, on se cachera pas que des élections, ça coûte cher. Vous venez de sortir d'une grosse campagne électorale il y a à peine un an. Si on se relance en campagne électorale, est-ce que Québec solidaire a les moyens financiers pour se lancer là-dedans avec confiance? Ce qui nous avantage cette fois-ci, c'est qu'on joue plus dans la même game que tout le monde, dans le sens qu'à cause de ce qui est arrivé, à cause de la loi, à cause des restrictions, là, les autres partis vont avoir beaucoup de misère à mobiliser tout cet argent qui volait partout et qui on joue à jeu égal. Exact. Il y a un jeu égal qui va nous mettre sur le même pied d'égalité que les autres. Puis en plus, nous, on a payé nos dettes. On va parler rapidement de la charte parce que vous avez, vous venez de publier en fait question-réponse, laïcité et charte des valeurs. Ouais. Parce que c'est le sujet. Hein? Et votre nouvel ami Lucien Bouchard est d'accord avec vous. Ça, c'est fascinant quand même. Je ne pensais pas que vous alliez être politics d'accord avec makes a strong, strange bedfellow. C'est comme ça qu'ils disent ça. Ben, je ne sais pas, je ne parle pas anglais. Oui. Mais, comme ça. Est-ce que Fred, vous pourriez traduire? Non, mais c'est quand même extraordinaire parce qu'on pourrait voir sur la même affiche Lucien Bouchard et Amir Kadir. Je n'aurais pas gagé ma paix là-dessus. Moi, je n'ai pas de problème avec ça si M. Bouchard est d'accord. Quand il s'agit de parler de quelque chose de principe et qu'on est d'accord, il n'y a pas de problème. Je suis pas sûr qu'il aimerait ça, mais... Mais quand même, dans les questions-réponses que votre parti a publiées... Mais j'ai écrit une petite note à Lysiane Gagnon. Avez-vous vu son, Lysiane, son éditorial hier? Personne la lit. Non, mais moi, je l'ai lu, excusez-moi. Ah, d'accord. Non, mais cette madame-là, c'est gentil. Je me dissocie complètement de ce genre d'affirmation gratuite. OK. Et non c'est fondée. Pas gratuit, ça. Mais c'était... quoi que la presse... de l'éditorial hier, c'était « Touche pas à mon pote », puis Lysiane... appeler le mouvement étudiant à intervenir dans le débat. Ah oui. Parce que le mouvement étudiant, à juste titre, a dit l'année passée que c'était un des enjeux de société et que le mouvement étudiant s'intéressait à tous les enjeux de société. Donc, moi, je pense que Lysiane Gagnon a raison de les appeler au débat. Je sais que pour les élections municipales, vous appuyez Projet Montréal. Non. Ah. Dans Mercier, oui. Ah, mon Dieu, dans Plateau Montréal, oui, parce que c'est chaque association. Oui, Québec ça. Solidaire, on avait un point de presse aujourd'hui, là. Ouais. On a émis un document qui s'appelle Montréal Solidaire avec une série d'analyses de perspectives pour dire, en fonction idées, de ça, c'est ça. Dans chaque comté, district de la ville, les associations de comté de Québec solidaire peuvent fonder leur analyse là-dessus, essayer d'identifier de bons candidats puis voter pour ces candidats-là. Mais là, justement, Projet Montréal dans Mercier, en tout cas, ce qu'on vient d'apprendre aujourd'hui, c'est qu'il y aurait eu de malversation également à Projet Montréal. Vous avez vu ça, hein? Alors, vous n'avez pas écouté les nouvelles? Oui, je vous le dis. Ah, ben j'apprends ça à Amir Kadir. Un scoop, oui. Tout à fait. Deux subventions à un organisme qui s'appelle Milieu de vie, qui est géré par des membres de Projet Montréal. Écoutez, ils organisent des marchés publics le dimanche. Il y a un racket de la tomate à Montréal. Mais c'est même pas une blague en plus. C'est sûr que notre niveau d'indignation doit être très bas. À partir de maintenant, je ne mange plus de tomates. Donc, c'est sûr que là, oui. Ben, si ça avait été la courge spaghetti, c'est cher. Ça. Ouais. J'imagine qu'il y aurait eu de l'argent à faire là, mais des tomates, j'imagine. Mais en tout cas, je vous l'apprends. Je suis bien content de vous l'apprendre d'ailleurs. C'est pas très béton votre affaire. Hein. Non, mais je peux aller lire. C'est sorti dans la presse juste avant qu'on rentre en nom. Puis vous savez, tout ce qui se dit dans la presse, c'est vrai. Oui. Ben, Amir Kadir, vous restez avec nous? Avec grand plaisir. Génial. Merci beaucoup de votre présence. Vous avez sûrement entendu parler de la polémique entourant la publicité de Vidéotron avec Suzy. Hein? Je ne sais pas si vous avez vu une pub. Non, mais c'est une pub qui sous-entendait qu'elle utilisait un forfait de données parce qu'elle avait plusieurs amants. Ben oui. Hein? Évidemment, où il y a de la controverse, nous ne sommes jamais bien loin. Hein? Ça nous a donc inspiré cette publicité. On écoute. Nous avons demandé aux proches d'André Boisclair pourquoi le forfait 6 gigs de Vidéotron était le bon choix pour lui. Ben, c'est le forfait idéal pour André parce qu'il est toujours sur la go pour le travail. Ben c'est bon parce qu'André peut me texter et m'envoyer des vidéos de lui quand il veut. Puis il veut pas mal. C'est pratique pour André. Il peut signer sa propre pétition en ligne et envoyer des mises en demeure en même temps sur son téléphone. Puis André, ben ça y prend une bonne ligne, tu sais. It is very good to spend public money à l'étranger. Are you talking about André? Yeah. Et vous, André, pourquoi l'aimez-vous votre forfait? Ah, puis on s'en sac ben honnêtement. Oh. C'est vrai qu'on s'était dit qu'on n'allait pas critiquer le travail de nos collègues cette semaine, donc je trouve ça drôle. C'est un peu osé, je sais pas si je suis à l'aise avec ça, mais je trouve qu'il y a du talent dans ce qui vient de se faire. Maintenant, on verra si on le garde à la diffusion. On va aller retrouver Jean-Sébastien Girard immédiatement. Jean-Sébastien? Ah, bonjour Philippe, comment allez-vous? Ça va tellement bien, je vous aime, tout le monde s'aime. On s'adore mutuellement. Je le sais. Alors, toujours au Centre Bell, évidemment, avec M. Charles Prévost-Linton, candidat dans Outremont. Oui. Bonjour, CPL. Bonjour. C'est bien? Très bien, même. Merci vous-même. Oui, très, très, très bien, merci. Et évidemment, on va parler au courant d'émission de politique, on va parler de Canadiens avec vous. Mais avant, je pense qu'on va évidemment profiter de votre présence pour vous demander de nous chanter un hymne. Alors, j'inviterai tout le monde en studio à se lever. Alors, debout tout pour le vrai, monde. Hein? Alors, M. Prévost-Linton, on vous a demandé de nous interpréter le Haut Canada. Vous avez refusé parce que vous avez autre chose à nous proposer comme hymne. Je vous laisse le présenter. Merci. Alors, voici donc, en grande primeur, mon offrande, l'hymne à la soirée est encore jeune. Ah. Maestro, s'il vous plaît. L'essentiel, ah, c'est la soirée. C'est sûr que c'est assez. Le reste importe peu. La seule vérité, c'est que Jean-Philippe Wauthier, oui, il sait nous envoûter. Et le grand Fred Savard, il sait se faire briller. Le petit Olivier, tout tendre en dedans. Et puis Jean-Sébastien, c'est plus désopilant. Il nous donne la joie de vivre et nous fait fondre de bonheur. Rassoyez-vous, c'est trop. La soirée, c'est ce qu'il y a de meilleur. La soirée est encore jeune. Wow! Excusez-moi, monsieur Prévost-Linton. C'est l'hymne à la soirée et pas encore jeune. Je vous remercie infiniment et on va se remettre de tout ça en écoutant le beau billet du grand Frédéric. Bah, c'est vrai, tout le monde sait. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Vous écoutez La soirée est encore jeune, animée par Jean-Philippe Vautier sur les ondes de ICI Radio-Canada Première, l'émission qui trouve que les femmes devraient aller faire un tour au siège social de la FTQ Construction. Hey, on a eu toute qu'une prestation, hein? Ah oui! Franchement, je pense qu'on pourrait chanter ça à chaque début d'émission. Ça serait le fun. Frédéric, c'est maintenant le temps de profiter de votre biais d'une extraordinaire intelligence. Vous voyez comment c'est plus le fun depuis qu'on s'aime? Ah, moi, j'ai beaucoup plus de plaisir. Bon, allez-y. Oui, alors vous savez que ça va mal. Ben, vous savez comment que ça va mal en tabaslac au Québec, hein? Le Québec est tombé bien bas et cette semaine en est une bonne preuve. Et c'est pourquoi j'ai passé justement une partie de ma semaine à tenter de comprendre comment nous avons pu en arriver là, oui, le cœur sur la main, pour aider mon prochain. Et c'est en perdant ma soirée de mardi soir à regarder le début de la saison de Canada qu'un éclair de génie m'a traversé le cerveau. Et je vous entends dire encore un éclair de génie, le Fred Savard. Oui, je sais, vous avez raison, nous ne les comptons plus. Je vais donc vous faire la démonstration que si ça va mal aujourd'hui au Québec, c'est que nous ne sommes que le reflet de nos idoles. Et comme le dit le poète, dis-moi qui tu idolâtres et je te dirai comment tu folâtres. Et nous, avons l'idole molle. Alors allons-y donc d'une étude... En gros, c'est ça. Allons-y donc d'une étude sociologique faite sur le coin d'une table. De toute façon, la sociologie, on le sait, c'est une science molle. Ça s'improvise, hein, c'est pas comme la physique. Alors, on va commencer avec les années 50, ces fameuses années de grande noirceur, ou si vous êtes chercheur à l'Institut économique de Montréal, le Saint Graal de l'âge d'or du Québec. Eh bien, les années 50, qui était l'idole des Québécois sur la patinoire? Maurice Richard. Maurice. L'impétueux Maurice. Attaquant qui marquait des buts, mais qui n'hésitait pas à jouer du coude pour faire valoir ses droits. C'est lui qui sonna le début de la Révolution tranquille, selon plusieurs commentateurs, qui n'ont visiblement pas lu Le Refus Global. Vint ensuite la Révolution tranquille des années 60 qui ont vu le Québec prendre sa place sur l'échiquier mondial. Et qui de mieux qu'une idole de classe mondiale pour représenter le chemin parcouru? Qui fut donc l'idole des Québécois chez Canadiens à cette époque? Jean Béliveau, un joueur aussi dominant défensif qu'en attaque, le plus grand capitaine de l'histoire de l'équipe et qui témoigne si bien du Québec d'Expo 67. Les années 70 seront les années Guy Lafleur alors que le Québec fonce vers l'avant tel un flower power, les cheveux au vent. Sûr de ses moyens dominants, en tête des marqueurs, Lafleur représente bien la décennie québécoise, les Olympiques, le premier gouvernement péquiste, assez flower power d'ailleurs lui-même, la chevelure du démon blond rivalisant avec celle de René Lévesque. Arrivent les années 80 où le flou identitaire québécois s'installe peu à peu et ça se ressent sur nos idoles. Pensons à la déprime post-référendaire de 1980 qui fut un choc pour le Québec et qui était le joueur le plus populaire de Canadiens, ouais. Bobby Smith. Ah, vraiment? C'est justement l'époque, oui, okay. Où l'humour absurde prit le pas sur l'humour engagé d'Yvon Deschamps. Deux noms me viennent en tête, Stéphane Richer et Jean Perron, qui donneront deux bonnes saisons aux Canadiens et des centaines de bottes blagues aux humoristes pour des années à venir. Mais arrive aussi Mats Naslund, ce qui témoigne sûrement d'une certaine ouverture du Québec sur le monde. C'est d'ailleurs à partir de Naslund que le PQ parlera constamment du fameux modèle scandinave. Les années 90 seront les années de Patrick Roy, qui deviendra l'ultime idole de la décennie, possiblement le meilleur gardien de but de tous les temps, mais un gardien de but quand même, hein? Ce qui témoigne d'un certain conservatisme qui s'installe au Québec. Hein? On n'est plus en mode attaque, on est en mode défense. Une fermeture sûrement issue de la deuxième défaite référendaire de 95. Et cette fermeture sera bien résumée par la fameuse déclaration de Jacques Parizeau sur le vote ethnique. Mais on l'a bien vu cette semaine, M. Parizeau a évolué sur le sujet. Il n'y a plus rien contre le vote ethnique tant que c'est à visage découvert. Les années 2000 verront le Québec emboîter le pas de la mondialisation galopante, diluant ainsi le potentiel unificateur d'une seule idole, d'un peuple. Ça donnera donc des favoris de seconde zone comme Sakou Koivu ou Alex Kovalev et le déclin des joueurs francophones chez Canadiens. Ce qui nous amène à aujourd'hui. Quel fut le joueur le plus acclamé mardi lors de l'ouverture de la saison? Un joueur qui est sur toutes les lèvres et particulièrement les siennes depuis ce match fascisique. George Parras! Nous en sommes là, mes amis! Nous sommes passés de Maurice Richard à George Parras, un goon qui patine comme une tortue, qui porte un nom grec et qui parle espagnol. Voilà le Québec moderne, l'immobilisme et deux pays en faillite. C'est tout ce que notre sport provincial peut nous apporter. Et les gens se lèvent pour le voir s'affaisser. Est-ce qu'on va aussi se faire une ovation debout quand nous allons pogner nous-mêmes le mur? Maurice, reviens! Ils sont devenus fous! Ah, OK, c'était bien, bien drôle, hein? Et que c'était drôle, hein? OK. C'était drôle! Mon Dieu! Vous n'en pouvez plus, hein? Ah, voyons! Quel beau moment de détente! Ah! Semaine, vraiment, là. Non, c'était cœur, hein? C'était cœur, hein? Oui. C'est tellement mais bon. Moi, je suis toujours oui. Pendant ce temps-là au Centre Bell avec M. Charles Prévost-Linden, candidat dans Outremont et chanteur de l'Eau Canada au Centre Bell. Rebonjour, M. Prévost. Allô, à nouveau. Oui, Prévost. Alors, bon, évidemment, votre métier n'est pas facile. En soi, parfois vous chantez les hymnes accompagnés à l'orgue, mais parfois vous devez les chanter al dente. Ça, al dente, pour ceux qui n'ont pas fait leur cours classique, ça veut dire en musique. Là, est-ce que ça complexifie un peu la chose? En fait, non, pas du tout. C'est très amusant aussi, parce que tout d'un coup, on n'entend que la voix qui prend toute la place, et puis... C'est comme je suis un peu mégalomaniaque. Monsieur Prévost, Linton, il arrive parfois qu'on vous tasse hein, pour des artistes un peu plus connus. On leur demande de chanter le Haut Canada à votre place. Est-ce que c'est difficile, ça, un peu pour l'ego, particulièrement quand ça a été Grégory Charles ou encore le charmant petit Jérémy? Non, c'est très beau de donner la chance aux jeunes chanteurs. Ouais, il va aller loin, lui aussi. Maintenant, la politique pour vous. Si vous êtes élu, dites-moi, est-ce que vous avez l'intention de chanter l'hymne national avant les réunions du Conseil, un peu comme la prière à Saguenay? Oui, ben je crois qu'avec tout ce qui se passe, avec la Charte des droits et tout ça, déjà avec la religion, ne mêlons pas les hymnes à la politique plus qu'il ne le faut. Non, donc, je proposerai pas ça. Bien envoyé. Vous savez, monsieur Prévost-Linton, qu'à bien voir les politiciens municipaux, on offre la chance au public de vous poser des questions à leur cher public. Si vous avez des questions à nous envoyer, vous le faites maintenant à lasoirée@radio-canada.ca. On va y répondre dans quelques minutes, Jean-Philippe. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. C'est toujours un plaisir de vous rejoindre. À moi aussi. Caline qu'on s'aime. Non? Mais en même temps, je me dis, on se parlera plus tard dans l'émission, OK? OK. Je vous embrasse. Hey, moi aussi. Bye, ça vient du cœur. OK, notre deuxième invité, Fred. Romancier à succès, ses livres sont portés au cinéma, mais heureusement, aucun n'a pour titre Hot Dog. Accueillons Monsieur Patrick Sénécal! Bonjour. Ah! Salut. Un autre génie de l'écriture. Ouais, écoute. S'asseoir. C'était ça extraordinaire ou c'est pas extraordinaire? Ben oui, je t'abonne compagnie en plus. Ben oui, on a déjà beaucoup de fun. Malheureusement, oui. Il nous reste juste deux minutes. Ah, alors, okay. On va faire ça rapidement, rapidement. Non, vous venez tout juste de publier le troisième tome de Malface, oui. Qui est un livre à succès. Ben franchement, oui. Ça vend très bien, oui. Et ça se passe dans des cégeps, ce qui est extraordinaire. Oui. En même temps, on peut pas croire que cégep, succès et littérature, ça va ensemble. Non, mais c'est vrai. En même temps, on se doute pas des cégeps comme ça. Ça met en scène, en fait, Julien Sarkozy, qui est un prof là-bas, qui est un peu pince sans rire. Hein? Oui, un peu baveux. Un peu baveux, qui, malheureusement, ne m'a pas donné le temps de le lire au complet. Hein. Ah, je dois vous l'avouer. Ben, écoute, j'ai deux émissions par semaine. Ben oui, je comprends. En effet, faut faire des choix. Ouais, ouais. En même temps, le même soir. Ouais, ouais. Non, mais il y a beaucoup de préparation, Fred. Il y a beaucoup de préparation. Je lis des tweets énormément. Wow. Les écrivains sont habitués à des émissions que les animateurs n'ont pas lu leurs livres. Non, mais maintenant, René les lit, ces livres. René, le vendredi, si vous allez à la bibliothèque de René. Okay. Mais il y a beaucoup plus de temps. Ah oui, c'est ça. Et ça joue à quelque part. Okay. Mais comme je n'ai pas lu le troisième tome, je me dis, est-ce que vous pourriez me parler de la fin du livre? Il y en a qui sont pas contents, je pense. Il y a quelqu'un qui me signe que non. Ah, non. Mais ça finit que manifestement, il va y avoir une suite. Ah! Parce qu'il y a 4 tomes en tout. C'est ça, d'ailleurs. Mais le quatrième serait le dernier, si je me trompe. Oui, il y en a plus après. C'est une promesse. Pourquoi arrêter quand ça fonctionne bien? Ben parce qu'il faut s'en aller quand ça va bien, justement. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de séries qui n'ont pas compris ça, qui ont continué tout le temps et sans cesse. Nommons-en une au hasard, mettons Lost. Ah, OK. Et je pense que là, c'est à un moment donné, le titre représentait l'état mental des scénaristes et que. Il aurait peut-être dû s'arrêter à un moment donné. Mais bon, enfin, c'est. Et moi, je veux que les gens disent, ah, c'est dommage, c'est pas fini, mais justement, ils diront pas, ben, il est temps que ça finisse. Moi, j'ai fait le premier choix. Ben, c'est intéressant pour ça parce que ça m'amène à vous parler de télé. Vous avez fait plusieurs films. En fait, vous avez scénarisé plusieurs films qui ont été des films à succès pour la plupart, mais. On vous a jamais vu au petit écran. Non. Puis là, vous parlez de Lost, là. Ça vous tente pas d'écrire une série comme ça qui J'aimerais ça. On m'a approché une couple de fois, mais c'est pas évident. La télévision au Québec est quand même est encore un milieu un peu frileux. Ce qui pogne, c'est ancien. En fait, il y a plusieurs séries humoristiques qui ont été signées. Ils vont en avoir une AV avec Simon-Olivier Fecteau et Sugar Sammy. Oui. Martin Matt. Mais c'est même pas un gag. Mais c'est même pas un gag. Non, c'est ça. Mais je pense que ça annonce très bien, parce que les gens rient déjà. Il y a une série avec Martin Matt qui s'en vient sur les écrans très bientôt. Il y en a même une à Radio-Canada que je n'ai pas encore écoutée. Les pêcheurs, là? La vie. Ah oui, il y a les pêcheurs. Ouais, c'est ça. Ben oui, les gens rient. Ben oui, c'est ça, écoute. Rire, mais ils sont à 3 bières chaque. En même temps, c'est pas. Puis on rit beaucoup dans la chronique de Fred, fait que ça doit être un. Ils sont partis. Ouais, c'est ça, ils sont partis. Mais parce que vous faites aussi dans le cynisme et un peu dans l'humour. Ben, dans ma série Malface, oui, j'ai essayé ça, l'humour. Là. J'ai essayé de toucher à ça. Ben, vous l'avez eu quand même. Ben, ça a l'air que ça marche pas pire, je suis content, mais c'est encore très. Il y a des meurtres, c'est violent, il y a vraiment une intrigue. Faut garder du sang. Oui, moi, c'est le naturel qui revient au galop, qu'est-ce que tu veux? Mais j'ai une sorcière alcoolique quand même. C'est pas pire. Nice. Ça donne un certain ton à tout ça. Mais oui, il y a de l'humour, effectivement. J'ai essayé ça. Justement, quand on parle de vous, votre fond de sanguinaire et de violent, vous devez être tanné de vous faire poser toujours la même question, à savoir si vous écrivez en fait ce que vous êtes. Hein? Oui. Mais est-ce que vous écrivez ce que vous êtes? Ah, t'as pose quand même? Oui, oui. Non, mais ça m'intéresse. C'est quelque chose qui m'intéresse quand même. Écoute, la réponse est non. En fait, moi, mon rêve, ce serait de faire d'écrire une espèce de... Moi, j'aime pas tellement l'autofiction, les livres où les auteurs mêlent toujours leur vie privée avec... Mais à un moment donné, je me dis, faudrait que j'en écrive une, que ce soit évident que je me fous de la gueule de ça et que je me présente vraiment comme un psychopathe, quelqu'un qui a une vie privée, mais complètement débile. Ça pourrait être drôle pour jouer un peu avec ces codes-là. Mais sinon, non, je sais pas. Puis ça pourrait donner une très bonne série télé comme La vie rêvée de Mario Jean. Ouais. Non, mais c'était un peu ça, le principe. Je suis content que t'en parles. C'était mon but, justement. Modèle. C'est mon modèle. Déjà, mais la deuxième étape s'en vient. Il faudra penser à ça. Il y en a beaucoup de projets pour Patrick Sénécal. Premièrement, il y a Peur Dépôt. Qui est un projet qui est franchement intéressant pour ceux qui le connaissent pas. En fait, je vous laisse l'expliquer. C'est dans un stationnement au centre commercial, c'est pour vous dire. On va nuancer ça un peu. Oui, allez-y. C'est une espèce de maison hantée moderne. En fait, on aime mieux appeler ça une espèce de complexe d'expériences sensorielles qui sont axées sur la peur essentiellement. Okay. Alors, c'est comme 10 containers. Il y a un centre et les 10 containers sont comme en étoile autour. Et chaque container a une expérience unique, une espèce de thème particulier qui vient explorer nos peurs. C'est pas des zombies, c'est pas des monstres, c'est pas des vampires, c'est des choses plus intérieures, plus... Comme quoi, genre, Denise Bombardier, ben, je peux pas. Non, ouais, ben... intellectuellement, genre, non, qui s'assoit devant toi et qui te pose une question. On veut pas qu'il y ait de crise cardiaque quand même. on fait attention. Mais je veux dire, c'est quoi si c'est pas des zombies? Ben, c'est des gens qui. C'est comme des psys, genre. Je peux pas trop dire. Enfance, monsieur. Non, c'est quoi ça? Non, c'est pas ça. Mais okay. Je peux pas trop en dire, mais ça peut être la peur du noir, ça peut être la peur des espaces clos, ça peut être la peur de la mort, ça peut être la peur. Le gars de l'impôt, de la peur des... Mais il y en a un, justement, et vous faites un très bon. Merci pour le lien. J'en ai lu un, puis. On a l'air d'être préparé, hein, mais c'est pas ça du tout. Non, pas non, parce qu'il y a un des 10 containers, on m'a appelé pour me demander, veux-tu en créer un? Veux-tu faire la conception d'un des 10 containers à partir d'un de tes romans? Et j'ai choisi Alice. J'ai choisi le roman Alice parce qu'il y a des scènes graphiques là-dedans assez intéressantes. Et là, j'ai 3 minutes et demie pour transposer mon roman de 500 pages, de mettre l'ambiance de mon roman en un container. Donc, je te peux on rentre dans mon roman en 3D, finalement. Okay. Je te peux que le fanfreluche des adultes. Je peux voir ça comme ouais, ça. Oui, je trouve ça le fun, le fanfreluche. Oui, oui. Et est-ce que vous fournissez l'aide psychologique qui vient après ou non? Ah, ça, moi, c'est pas là. Faudrait demander au concepteur, mais c'est 12 ans et plus. Hein. On considère qu'en bas de 12 ans, c'est à vos risques et périls. Ah ouais, hein. Et pas de blagues, et ça, c'est pas des blagues que je fais. Les gens peuvent crier poule mouillée s'ils en peuvent plus et qu'ils veulent sortir parce qu'ils ont trop peur. Poule mouillée, c'est le code. Et depuis hier, on en a sorti 7. Comme ça. Puis, ah oui, mais ouais. Quand même. C'est commencé depuis. C'est commencé depuis hier. Et ça roule jusqu'à. Depuis hier. Non, pas vrai. OK. Ça roule jusqu'au. Je sais pas, jusqu'à fin de l'automne. Ça va revenir au printemps. Okay. Et si ça marche bien, on prévoit d'aller se promener avec en région pour qu'il y ait d'autres régions. C'est des conteneurs, hein, ça bouge, on peut se promener avec Mon ça. Mon Dieu, c'est Et ça pourrait être la tournée Peur des Pots Tour. Des conteneurs, c'est le port de Montréal. Ah oui, c'est vrai. Il y en a beaucoup là-bas, c'est vous pouvez vous mélanger. En plus, il y a du beau monde. Il y en a qui font peur aussi. Ouais, c'est ça. Parlons un peu de violence. C'est un sujet intéressant parce que il y a eu un débat au début de la semaine, en fait, il y a peut-être 2 semaines, quand le jeu Grand Theft Auto 5 est sorti. Alors, parle-moi pas de ça. Mon fils veut acheter ça. Là, OK, c'est super. Je trouve ça le fun. Parce que ce sont des jeux qui font l'apologie de la violence, à quelque part. Entre autres. Des jeux qui sont très violents. Je joue à ça. Tiens. Et je trouve que ça m'aide énormément. Je sais pas si des gens qui connaissent pas ça, c'est un jeu d'une très grande réalité où est-ce que tu peux tuer plein de monde. Hein? Et très misogyne aussi. Non, mais ça, je veux savoir, pour donner une idée, c'est-tu pire que Michel Baudry ou moins pire? Dans la misogynie. Avec ce que j'ai entendu tantôt, je ne sais plus trop. Ouais, j'avoue, là. C'est comme Michel Baudry qui a un gun. Ouais, c'est ça. Un gun à pêche. Ouais, c'est ça. Ça ressemble un peu à ça. Mais quand on a parlé de ce jeu-là, évidemment, les jeunes jouent à ça. Là, vous parlez de votre fils. Mon fils veut acheter ça. Ben, c'est un jeu de mission qui te permet de voguer dans un genre de Los Angeles et qui te permet de faire absolument n'importe quoi. Évidemment, oui, t'es un criminel, c'est ça. Exactement. Mais ces créateurs de violence-là, et vous êtes un créateur de violence avec des livres, avec vos nombreux romans, on s'est posé la question, il n'y a pas une responsabilité à avoir là-dedans. Oui, tout à fait. Mais moi, la différence avec mes romans, c'est que mes personnages, quand ils sont violents, quand ils deviennent fous, quand ils font des choses horribles, ne gagnent pas de points. C'est présenté comme un échec. C'est présenté comme un échec, en fait. À chaque fois que mes personnages sont en... L'échec, la violence dans mes romans est toujours montrée comme un échec. Là, dans ce jeu-là, c'est au contraire, pour avoir des points, il faut plus t'es violent, plus tu te montres. Ouais, c'est assez cool. Plus que tu vas avoir des prostituées. Et ça, c'est pas des blagues. Tu peux faire ça à un moment donné. Soit que t'as payé ou soit que t'as bas à mort. Mais votre fils, à quel âge? Il va avoir 15 ans dans une semaine. Ah, mon Dieu, il est correct. OK. Il n'y a pas de stress là. Non, mais l'entente, c'est que je vois avec lui. Dernier sujet, et je veux aborder ça. Dans vos romans, il y a un certain cynisme sur la société actuelle. Quand on parle cynisme, il y a plusieurs personnes qui ont décidé de trouver une solution et de s'impliquer en politique. Hein? On a reçu Marie. Mon Dieu. Marie Plourde. Ben oui. Il y a Jean-Sébastien qui fait une série avec plein de personnalités qui décident de s'impliquer en politique municipale. Vous, la politique, là. Oh non. Ah mon Dieu, parce qu'il y a Québec solidaire qui cherche désespérément des candidats. Vous me voulez pas, M. Kadir. Non, vous me voulez pas. En même temps, il y a pas de squelette dans son placard, il les écrit. Il les écrit, ils sont déjà tous sur... Ils sont pas dans mon placard, ils sont dans mon garde-manger. Ils sont sur la table. Ils sont sur la table, ils traînent là. Ça vous intéresserait pas de... Ah non, je suis pas... Non, je suis pas... J'aurais pas la patience, j'aurais pas le... Et je n'ai pas la diplomatie, surtout, moi, je... Ah, mais M. Kadir, c'est de moins en moins nécessaire. Ouais, mais ouais, c'est vrai. À ben y penser, je serais pas pire, finalement. Bon, j'aurais pas... Bon, regarde, la cruauté fait partie maintenant de la règle de l'art. Et voilà! Vous avez peut-être votre place, Vous êtes en train de me convaincre. Puis vous allez peut-être pouvoir décalisser le crucifix de l'Assemblée nationale. Ah, ben ça c'est une maudite bonne raison. Je vous laisse parler entre vous autres. Peut-être que vous allez avoir un nouveau candidat de Québec solidaire à la fin de la journée. Ça serait bien le fun. Merci beaucoup, Patrick Sénécal. Merci bien. Fred, est-ce que vous nous présentez notre prochain chroniqueur? S'il pouvait mettre ses heures d'écoute de Radio Jambon sur un compte de dépenses de la FDQ Construction, il serait sûrement millionnaire aujourd'hui. Voici la chronique d'Olivier Niquette. Ah, ben vous l'applaudissez, ben oui. Oui. Merci Olivier. Oui, c'est ça. Il est bien... Il mérite ça quand même. Ben hein? Oui, ben oui. Il y a tellement des bons extraits. Allez-y. Ben, quelques gros sujets ont accaparé l'actualité cette semaine, à commencer par la poursuite intentée par André Boisclair contre Jacques Duchesneau et la CAQ. On se demandait d'ailleurs lundi si les contribuables allaient payer les frais d'avocat de la CAQ, ce qui a rappelé à Jean Lapierre de bons souvenirs de la fois où Thomas Molcair s'était fait poursuivre. Une belle occasion de dire des gros mots au petit déjeuner. Rappelle-toi quand Tom Molcair avait dit à M. Duhem, l'ancien député Duhem, là, j'ai hâte de te voir en prison, vieille plotte. Ou le midi. Tu vas-tu le dire, non? Certainement, ça a été dit. Ben ouais, j'ai hâte de te voir en prison, toi, ma vieille plotte. Puis le soir aussi. J'ai hâte de te voir en prison, vieille plotte. Exactement ça. J'ai hâte de te voir en prison, vieille plotte. Ah, j'en ai la plotte à terre. Non, mais quand on y pense, ce qu'a fait Duchesneau, là, c'est juste de poser des questions puis de faire des liens entre deux événements par rapport survenus à 10 ans d'intervalle. Si on peut plus poser des questions, là, où est-ce qu'on s'en va, se demande Denis Gravel de Radio X. J'espère qu'on a encore le droit de prendre une information A, une information B, de faire le lien entre les deux puis de poser une question, même si c'est la question la plus épaisse de l'histoire de l'univers. Ben, j'espère pour toi qu'on a le droit, mon Denis, parce que c'est ce que tu fais pendant toute ton émission. Et faire des liens entre des choses pas rapport, c'est aussi ce qu'a fait Sylvain Bouchard de Cogeco pour expliquer pourquoi Radio-Canada a sorti une histoire voulant que Mario Dumont ait un petit peu trop fricoté avec Lino Zambito en 2008. Au moment où le spotlight est sur André Boisclair... On détourne l'attention. Nommé par Pauline Marois, une vieille histoire de l'ADQ sort à Radio-Canada. Je n'affirme rien. Mais juste ça dans la tête, vous êtes assez brillant. Voilà, suffit de planter une petite graine dans la tête des gens pour que germe un bouquet de désinformation. Même chose du côté de Radio X, à la différence que les auditeurs d'Éric Duhem n'ont pas besoin d'utiliser leur intelligence, ils leur déposent le grand complot tout cuit dans le bec. Radio-Canada est dans une campagne de diversion puis va attirer notre attention sur n'importe quoi sauf le scandale Boisclair avec son histoire avec la poursuite de la CAQ. En tout cas, nous, à la soirée, on se sent pas concernés par ça. De toute façon, on n'en parle jamais d'André Boisclair. Ça, c'est vrai. Reste que tout ça a fait de l'ombre au vrai scandale Mario Dumont, celui de sa position face aux conclusions du GIEC sur les changements climatiques. Moi, je veux dire que ce rapport-là m'a rendu... Moi, j'étais sceptique un peu. Ouais. Puis moi, vendredi, ils m'ont donné un grand coup. Je suis sceptique pas mal. C'est clair que 5000 scientifiques ne sont pas de taille face à la climato-sceptie de Mario Dumont. C'est que contrairement à Mario, là, les scientifiques, ils sont pas tout à fait rigoureux. Mais la rigueur qu'ils ont pas, là, c'est de dire la vérité au monde, de dire que là, on demande à tous les dirigeants de la planète de se réunir et de provoquer un ralentissement économique. Parce que c'est ça dont on parle, là. Provoquer un ralentissement économique réel. Là, tu vas appauvrir des millions de personnes, là. Ah, quel dilemme, hein? Laisser les gens s'appauvrir ou laisser les gens se noyer dans l'eau de glacier fondu, c'est un pensez-y bien. D'autre part, le Doc Maillot était cette semaine chez Denis Lévesque pour parler de son nouveau combat, faire enlever le crucifix au palais de justice de Trois-Rivières. C'est que voyez-vous le petit Jésus sur la croix, là, ben ça y fait penser à quelqu'un. Il m'est venu un flash tout à l'heure et je me demande si je m'identifie pas un peu à cet individu qui a déjà été crucifié. Eh oui, la seule différence, en fait, c'est que le petit Jésus, qui fera un très bon invité pour Denis Lévesque en passant, eh bien, lui, il guérissait des lépreux. Mayou, lui, il castre des pédophiles. D'ailleurs, le combat de Mayou contre le crucifix rappelle celui des Femen qui sont débarqués à l'Assemblée nationale. Et si vous vous demandez quel sera leur prochain geste d'éclat, bien, Denis Gravel a une petite idée là-dessus. Là, c'est quoi, là, pendant que le Canadien va rentrer la prochaine fois au Centre Bell, tu vas avoir trois grosses de femelles qui vont rentrer seins nus sur la glace pour dire non au combat? Mais c'est un débat pour Paris, décalisse, qu'ils vont dire? Ah, c'est fort possible, parce que nos experts sportifs qui, il y a quelque temps, tripaient bien raide sur George Paris, se sont soudainement transformés en apôtres de la non-violence après qu'il se soit écrasé la moustache sur la glace. Heureusement qu'il en reste quelques-uns, comme Martin Lemay de Radio Énergie, pour remettre les pendules à l'heure. Ceux qui jouent aux gorges chaudes, là, laissez-moi tranquille avec ça. Ça fait partie du jeu. Oui, cessons de jouer aux gorges chaudes. Ça fait partie du jeu d'arrêter le jeu pour se fesser d'en face. C'est d'ailleurs tellement logique que je suis sûr que Jacques Duchesneau serait d'accord. Merci beaucoup, Olivier. Et tout se passe bien. Tout se passe très bien. Le Journal de Montréal nous a présenté sa nouvelle mouture cette semaine. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de jeter un œil. Il y a beaucoup de nouveaux chroniqueurs. Ah oui. Bon. Et ça a fait beaucoup jaser et ben, ça nous a évidemment inspiré cette publicité. À lire aujourd'hui dans le Journal de Montréal. découvrez notre nouveau format qui vous présente un journal plus facile à lire grâce à des plus grosses lettres, des phrases plus courtes et encore plus de photos de pitounes et de vedettes d'occupation double dans les pages du milieu. Découvrez également nos 400 nouveaux chroniqueurs qui font du Journal de Montréal la plus grande décharge d'opinion au monde. Retrouvez enfin nos deux seuls journalistes restants qui vous offrent un touchant reportage sur des timinous poignés dans un moteur de char. Tout ça et bien moins dans le Journal de Montréal. Le Journal de Montréal. Pauvre quotidien. Moi, je vais faire un amende honorable. Je l'ai feuilleté. Il n'est pas si pire que ça. Ben non, moi, j'aime ça lire le journal. T'achètes plus les doigts comme avant. Ben non, mais exactement. Je trouve que c'est ça le gros plus. Bon, voilà. On va aller trouver Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien. Ah, bonjour, Jean-Philippe. Toujours à bien voir les politiciens municipaux. Oui. Toujours sur la glace avec M. Charles Prévost-Létude. Beaucoup de courriels ici pour vous, M. Prévost. Alors, bon, tout d'abord, une première lettre qui nous vient de M. B. Drainville de Québec. Oui. Est-ce que vous êtes juste un maudit fédéraliste? Chantez le haut Canada, c'est pas mal un signe ostentatoire de vos positions politiques discutables, si vous voulez mon avis. Eh bien, monsieur, je suis pas d'accord avec vous, c'est pas du tout le cas. Chanter l'hymne national lors du parti de hockey ici depuis toujours ou depuis longtemps, c'est un rituel sportif de fraternité. Alors maintenant, une deuxième question qui nous vient de Amir K. Ah, vous dites que les droits des citoyens d'Outremont sont menacés depuis les fusions forcées. Ouais. Vous avez peur d'être fusionné au plateau Mont-Royal. Soyez sans crainte, on veut rien savoir de vous, maudit fendant. On a le temps pour une dernière question. Une question qui nous vient de P. Fédécal de Montréal. Ouais. Est-ce que vous avez déjà imaginé, pendant que vous chantiez le Haut Canada, qu'un pyromane, cul-de-jatte, vous tranchait la tête avec une machine de tout ça pendant qu'il sodomisait, youpi! C'est sûr qu'elle allait là! C'était clair! Puis-je prendre des notes? Ouais, c'est bonne idée. Non, mes inquiétudes sont beaucoup plus sérieuses que ça. C'est pire que ça! Quand même. Merci beaucoup. Excellent, mais merci beaucoup. Hein, c'est déjà la fin des courriels. Monsieur Linton, bonne chance dans tout ce que vous allez entreprendre. Et on écoutera en rappel sur notre site internet le nouvel hymne national de la soirée est encore jeune. Merci beaucoup. Jean-Sébastien, merci. Merci, M. Prévost-Linton. Colin, on s'aime, on s'aime. Jean-Philippe, bonne fin de semaine. Frédéric aussi. Olivier, le public, merci d'avoir été là. Jean Gagnon. On se revoit la semaine prochaine. Ah, qu'on s'aime. Ben, je vous embrasse. Au revoir, Jean-Sébastien. On peut applaudir. Bye-bye. Eh bien, on va finir ça avec notre dernier chroniqueur, s'il vous plaît, Fred. Notre correspondant parlementaire a eu une grosse semaine de nudité à l'Assemblée nationale. Il vient nous en parler. Voici la chronique de Jean-Philippe Cipriani. Hey, Jean-Philippe Cipriani. Hey, vous deviez être content. Il y a eu de l'action à l'Assemblée nationale cette semaine. Oh oui, monsieur, les féminins, oui. Surnommés par certains des nus pas vite. Comme les Jeanne d'Arc des temps modernes, là, ouais. Aussi nus que le crucifix qu'elle dénonce, là. Les bouts qui pointent haut et fiers de leur dissidence, les extrémités tendues à la face du gouvernement, le corps badigeonné de sacré, les féminines étaient à fleur de peau. Et vous savez, un Québec pour tous, disait Mme Marois, ben, ses piliers, intégrité, identité, prospérité, solidarité, toutes des caractéristiques qui peuvent s'appliquer aux dites poitrines. Cependant, c'était quand même assez gênant de voir Éric Kerr, Jerry Sklavounos et Pascal Bérupé se précipiter sur elle avec leur 20$, là. Franchement, ça, c'est un petit peu déplacé. Pendant que Marie Malavoie cachait les yeux du petit Léo Bureau-Blouin, qui avait pas l'air de voir ça. Mais quand même, des va-chiers, des blasphèmes, de la drogue, des seins nus, il paraîtrait que HBO est très intéressé à diffuser la période de questions, à heure de grande écoute d'ailleurs. Et devant le succès, on sait que Jacques Parizeau songe lui-même à dévoiler son buste pour faire obstruction à la charte. Et je trouve ça correct, parce que le gouvernement est en mode écoute. Ouais. C'est ça. Mais il n'y a pas des façons un petit peu, je dirais, meilleures de manifester? Que ben, de... Vous préférez qu'il monte dans l'autre croix, là, celle du Mont-Royal, qui grimpe sur le pont Jacques-Cartier, là, en topless for justice? Non, mon Dieu, que ça nous manquait des manifs. Hein? Ouais. C'est vrai parce que depuis que Gabriel Nadeau-Dubois est en couple avec Lise Ravary, là, que Léo Bureau-Blouin est rendu député des Résidences Soleil, puis que Martine Desjardins se fait slacker de la radio pour devenir une des 722 nouvelles blogueuses du Journal de Montréal en gros caractère. Ouais. D'ailleurs, les femmes vont voir leur blog, ça s'appelle Montée de lait. On s'ennuyait de ça. On s'ennuyait de ça, les manifs. Mais en même temps, des petits. Non. C'est pas la première fois qu'on utilise le corps pour ça. Hein? Rappelez-vous de la manifestation là, dans laquelle Jean Barre nous a fait peur avec ses bobettes foot of the de l'eau. Oui, c'est vrai. Rappelez-vous des gens qui montraient leurs fesses au gouvernement Charest. Puis parlant de fesses, il y a un député aussi qui avait brandi son siège à Ottawa avant de partir avec. Oui, non, mon Dieu, c'est longtemps. Je pense que c'est organique de manifester avec son corps. Puis je trouve ça correct parce que le gouvernement est en mode écoute. Ben c'est... Ouais. En tout cas, personnellement, je préférerais des pétitions. Non, personnellement. C'est dépassé les pétitions. Les pro-chartes ont une pétition, les anti-chartes ont une pétition, les catholiques ont une pétition, les laïcités ouvertes ont une pétition, les laïcités fermées, les anti-minimistes ont leur pétition, les anti-oléoducs ont une pétition, même André Boisclair puis Miley Cyrus ont leur pétition. Oui, je sais. Il est plus que temps de faire un moratoire sur les pétitions et de retirer nos tops, tout le monde. OK. Je trouve ça correct parce que le gouvernement est en mode écoute. Ouais. OK. Et bon, passons à d'autres choses. Est-ce que. Ben, on parle beaucoup d'élections, là, pour le mois de décembre. Est-ce qu'on y croit, ça? Ben, je pense que Giulio a plus de chances d'être en couple avec Cynthia, pas de Y ni de H en décembre, qu'il y ait des élections. C'est vrai. Puis, tu sais, en même temps, Pauline Marois a plein de culture à lire. Vous avez lu son entrevue dans la presse, là. Elle lit les 1000 pages de Ken Follett. Ça s'appelle La chute des géants. Et elle pense très, très fort à M. Parizeau quand elle lit ça. Ouais. Et elle dit aussi d'Arcade Fire, et je cite, que c'est de l'art qui brasse, qui n'est pas son genre, mais en revanche, elle a adoré Tout sur moi, Les hauts et les bas de Sophie Paquin et Fortier, sa série préférée. Toutes des séries qui mettent en vedette des femmes tourmentées qui ont de la difficulté à savoir ce qu'elles veulent. Hein? C'est pas bon signe. Mais je trouve ça correct parce que le gouvernement est en mode écoute, même si Mme Marois en conférence de presse est plutôt en mode j'entends plus rien. Mais là, mais heureusement qu'il y a ça parce qu'on va se le dire, à Ottawa, il se passe pas grand-chose. Ah ben non, c'est faux, vous dites. Là aussi, il y a un groupe de femmes, encore les femmes, hein, dont une certaine Kim Campbell, je sais pas trop c'est qui elle, qui veulent changer les paroles du Haut-Canada parce qu'il y a une strophe qui dit « In all thy sons command ». Ils voudraient le changer pour « In all the vos command » pour plus que ce soit juste les tigots command. Hein. Okay. En français, heureusement, la phrase est traduite par « De fleurons glorieux ». Par contre, paraît que des multiculturels voudraient retirer car ton bras sait porter l'épée, il sait porter la croix parce que c'est une croix ostentatoire. Mais personnellement, je milite pour changer la strophe et ta valeur de foie trempé, parce que du foie trempé, c'est un peu dégueulasse. Mais ça tombe bien, parce qu'à Ottawa, depuis 2 ans, le gouvernement est en mode écoute, sinon on va te faire écouter, moi. OK, mais merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Eh bien, c'est déjà terminé, hein? Vous pouvez rester à l'écoute. Parce que dans quelques minutes, c'est la bibliothèque de René où il y aura plein de sujets intéressants. Hein? Mon Dieu, vous allez manquer, les gars, en fin de semaine. Ben oui, mais on se verra la semaine prochaine. Jean-Sébastien? Oui, soyez prudents, soyez plus d'entraide. Oui, oui, oui. Oui. Puis surtout qu'il est en scooter. Allez, on s'aime. Jean-Sébastien, je t'embrasse, là. Bisous, bisous! OK! Alors, merci à toute l'équipe, Marie-Hélène Racicot, Jean-Louis Gagnon, Steve Côté, Philippe Robert et le grand Alex Courteau, Barbara Judith Caron également. Et un gros merci à nos invités de ce soir. Amir Kadir, ben, j'ai l'impression que vous allez faire des tournées en autobus d'ici le mois de décembre. Ouais. Donc, bonne chance. Patrick Sénécal, on vous suit dans vos 1001 projets et on va vous visiter dans vos containers au parking en Grignon, c'est ça? Moi, je suis pas dedans, là, mais c'est pas grave, pareil. Merci énormément. Et si vous voulez nous réécouter, notre balado est disponible sur notre site web. Si vous voulez venir assister à l'émission, vous nous écrivez. On enregistre les vendredis à 16h. Ici Jean-Philippe Vautier qui vous souhaite de profiter de cette soirée qui est encore jeune!